Mais là, à l'instant, Valérie Levé, qui est journaliste scientifique, nous parle d'épidémie, mais avec les lunettes de l'histoire. Valérie, bonjour. Bonjour Caroline. Alors, heureuse de te retrouver pour un sujet qui est un peu plus, bon, disons, historico-scientifique ce matin. Parce que, oui, tu nous proposes de nous parler d'épidémie, mais comme je le disais, là, avec les lunettes de l'histoire, parce que oui, la COVID, c'est pas, on le dit, bien qu'on a l'impression d'être les premiers à vivre ça, là, mais c'est pas la première épidémie à toucher l'espèce humaine. Et on peut dire aussi que la notion d'épidémie a évolué avec le temps. Oui, c'est ça. Alors, mon idée, c'est pas de faire une énumération des grandes épidémies qui ont décimé les sociétés humaines, mais un peu de faire de l'histoire des sciences sur le concept d'épidémie. Mmh. Et je vais commencer par faire un peu d'étymologie sur les mots épidémie et pandémie, parce que j'ai trouvé que c'était un peu curieux quand même. Épidémie, ça vient de deux mots grecs, épi et démos. Alors, épi, ça veut dire sûr. C'est le même épi qu'on retrouve dans épiderme, qui est la couche de cellules la plus extérieure de la peau. Et démos, ça veut dire peuple. C'est le même démos qu'on trouve dans démocratie et démographie, par exemple. Donc, bah, textuellement, épidémie, ça veut dire quelque chose comme sur le peuple. Ah ouais. Et puis, pandémie, bah, on retrouve le même démos, mais avec le préfixe pan, qui vient du grec pan, et qui veut dire tout. On retrouve le pan dans pan canadien, mais aussi dans panthéon, qui est l'ensemble des dieux. Donc pandémie, ça veut dire quelque chose comme tout le peuple. Alors ce que je trouve curieux là-dedans, c'est que les racines des mots épidémie et pandémie ne font pas référence à la maladie. On comprend que c'est quelque chose qui recouvre le peuple, qui s'étend sur le peuple, qui atteint tout le peuple, mais après tout, ça pourrait bien être autre chose qu'une maladie. Oui, ça pourrait être la peur, disons, une pandémie de crainte, genre. Oui, exactement, ouais. Ça pourrait bien être autre chose qu'une maladie. Ah oui, c'est intéressant, mais dans notre cas, évidemment, on est dans la pandémie. Alors, comment l'idée de la maladie, là, on en arrive là, est arrivée avec le mot épidémie? Parce que si je dis épidémie, je pense tout de suite aux microbes et à une maladie, là. Ben oui, c'est ça, on pense tout de suite à une maladie, alors que dans le mot, dans les racines du mot, il n'y a pas cette notion de maladie. Alors, il semble qu'il faut remonter à Hippocrate, un philosophe et médecin grec, qui, pour retrouver ce mot, c'est lui qui l'aurait introduit vers 400 avant Jésus-Christ. Il était sur l'île de Thasos et il faisait le constat que beaucoup de garçons avaient les oreillons, ils avaient des gonflements dans les oreilles. Donc les oreillons semblaient être une maladie du peuple de Thasos, donc une maladie du peuple. Ouais. Mais à ce moment-là, on comprenait pas vraiment que c'était contagieux. Pour Hippocrate et les médecins de l'époque, les maladies à épidémie, c'était des maladies de saison, des maladies qui étaient produites par l'arrivée des saisons. Bon, c'est pas complètement faux. Totalement à côté de la traque, là. C'est ça, exactement. Il y avait une bonne observation, mais ils pensaient que c'était carrément que c'était les conditions atmosphériques qui apportaient les maladies. Ouais, il n'y avait pas de notion de contagion, disons. Non, c'est ça, pas du tout. Et au fil de ces observations, quand même, Hippocrate, il a établi un lien entre les épidémies et la pestilence de l'air. Donc les mauvaises odeurs, les mauvaises qualités de l'air. Donc par exemple, pour la malaria, la malaria était le fait de l'air putride des marais. Et d'ailleurs, le mot malaria, ça vient de mala pour mauvais et aria pour air, donc mauvais air. Ouais. C'est quand même assez drôle. Mais oui. À l'époque, évidemment, on fait pas du tout le lien entre la malaria et les piqûres de moustiques, et encore moins avec le véritable agent de la maladie, le Plasmodium falciparum, qui est le parasite responsable de la malaria et qui est transmis par le moustique. Donc, cette idée que les maladies sont causées par la pestilence de l'air, ça va durer très longtemps. Ah oui, ben, pour ceux qui ont visité Grosse-Île, on en a un petit aperçu. Mais Valérie, faut dire aussi, là, tu sais, déjà, c'est pas mal qu'on arrive à faire des observations comme ça au temps d'Hippocrate, parce que la médecine à l'époque, bon, on le sait, il n'y avait pas les moyens technologiques, pas de microscope, on voyait pas les microbes, c'était, on pouvait même pas s'imaginer qu'il y avait des formes de vie comme ça invisible. Ben non, c'est ça. Donc déjà, faire le lien entre l'arrivée des saisons, c'était déjà une bonne observation. Mais comme tu le dis, il n'y avait pas de microscope à l'époque. Mais pourtant, il y avait des gens qui avaient une certaine intuition. Donc, par exemple, au 1er siècle avant Jésus-Christ, il y avait un savant romain qui s'appelait Marcus Terentius Varro. Et lui a avancé l'idée que les maladies pouvaient être transmises par ce qu'il appelait des animalia minuta. Donc, il y avait quand même l'idée que les maladies étaient transmises par une forme vivante. Intéressant puis, quand même. Ben oui, c'est ça. On est quand même au 1er siècle avant Jésus-Christ. Oui, c'est ça. Toujours pas de microscope. Ouais. Donc il y avait l'idée qu'il existait, même si on le voit pas, il y a quelque chose qui peut exister quand même. Ouais. Et puis au XVIe siècle, le médecin italien Jérôme Fracastor, qui étudiait la syphilis, mais aussi d'autres maladies contagieuses comme la tuberculose et la lèpre, lui, il a proposé la théorie du contagium vivum. En fait, il propose que les maladies se propagent par des organismes vivants, qu'il appelle les seminaria contagionis. Ils sont tellement petits qu'on peut pas les voir, mais ils sont capables de passer d'une personne à l'autre et de s'y multiplier pour transmettre la maladie. Ben dis donc, on n'était pas loin de la vérité, là. C'était quand même très, très précurseur. Ouais, ouais. Et il propose même des modes de transmission de ces fameuses seminaria contagionis entre les personnes, soit par contact direct entre une personne malade et une personne saine, soit par contact indirect par des objets ou par l'air. Dis donc, on est près d'une vérité médicale contemporaine, là. Non, c'était très clairvoyant, ouais, ouais. Ce Jérôme Fracastor. Ouais. Pour faire encore un peu d'étymologie, contagion, ça vient du latin cum, qui veut dire avec, et tagere, qui veut dire toucher, comme dans tangible. Donc, il y a bien l'idée que la maladie contagieuse ou dans la contagion, l'idée qu'elle se transmet par un toucher. C'est intéressant le latin maintenant, ça me donne le goût de prendre des cours de latin. Bonne chance. Oui, c'est compliqué, mais il semble que ça éclaire beaucoup de choses. Bon, en tout cas, bref. Donc, c'est à partir, grosso modo, de ce moment-là qu'on a commencé à comprendre les maladies contagieuses et comment elles se transmettaient, là. Ben non, parce que Fracastor a tombé dans l'oubli. Ah, bon, zut! Ouais, personne n'a Mais c'est vrai qu'on le connaît pas, hein. Ouais, c'est ça. Personne n'a cru à son hypothèse. Zut! Faut dire qu'on n'était pas vraiment capable de voir ces fameux seminaria contagionis. Il n'y avait pas là encore les appareils nécessaires pour ça. Donc, il faudra attendre encore longtemps. Mais entre-temps, le mot pandémie a fait son apparition dans les dictionnaires. Donc, en 1666, par un médecin néerlandais du nom de Gideon Harvey. Ensuite, il est entré dans un dictionnaire en 1752, où le mot pandémie est bien défini comme une maladie qui se répand sur tout le peuple. Et aux États-Unis, un peu plus tard, donc à la fin du XVIIIe siècle, c'est Noah Webster qui fait entrer le mot pandémique dans le dictionnaire qui porte encore son nom. Ça existe encore, le dictionnaire Webster. Et ce qui est intéressant avec Noah Webster, c'est que il a plusieurs chapeaux. Ouais. Il est lexicographe, il est journaliste, il est directeur d'école, mais il est aussi épidémiologiste. Ça, c'est la partie qu'on sait moins de sa vie. Oui, exactement. Ouais, ouais. J'étais surprise, j'ai bien vérifié. Ouais, ouais. Je me suis dit, est-ce que c'est bien du même le Webster? Le même Webster, oui, c'est ça. Mais oui, c'est bien le même. Et il a été témoin de plusieurs épidémies, mais il ne croyait pas à la théorie de la contagion avancée par Fracastor. Pour lui, c'était les conditions atmosphériques qui causaient les épidémies, comme Hippocrate. Ouais, on revient à un retour en arrière, là, carrément. Alors, quand est-ce qu'on a finalement compris que les épidémies c'était causé par des microbes? J'imagine qu'il a fallu des avancements technologiques. Explique-moi. Bah oui, donc il a fallu, en fait, quelques décennies plus tard, il a fallu attendre donc le 19e siècle avec les travaux de Louis Pasteur, qui a découvert le rôle des levures dans la fermentation. Et puis surtout les travaux de Robert Koch qui a découvert vers le bacille de Koch. Je sais pas si on prononce le bacille de Koch. Moi, je disais bacille de Koch, mais ouais. Peut-être que, ouais. C'est-à-dire donc la bactérie responsable de la tuberculose. Et puis bon, après on a découvert d'autres bactéries responsables d'autres maladies. Et à ce moment-là, on comprend que le caractère contagieux des maladies est dû à des microbes et que ces microbes pouvaient se transmettre d'un malade à un autre. Et que finalement, Fracastor avait raison. Oui, ouais, on a fait un long détour. Ouais, ça a pris du temps quand même. Ouais, ouais. Mais à cette époque-là, on découvre les bactéries, mais évidemment pas encore les virus parce qu'ils sont beaucoup plus petits et impossibles à voir avec le microscope de l'époque. Donc là, il faudra attendre le XXe siècle pour... pour les découvrir. Mais dis-moi, je veux pas qu'on parle de ça parce que c'est un autre sujet, mais les bactéries sont en théorie plus grosses que les virus? Oui, ils sont quand même bien plus grosses. Ah, d'accord, OK. Ouais. Je pensais que c'était de même niveau de gabarit à peu près, mais dans un autre genre. J'ai pas en tête l'ordre de grandeur de la différence, mais c'est bien plus gros. Ouais. D'accord. Ouais. Et en parlant de virus, encore un petit peu des oui, allons-y. Donc, virus, on le sent, ça semble un mot latin, mais oui, c'est bien un mot latin qui veut dire bave, poison, sucre. C'est bizarre. C'est et c'est Ambroise Paré, un autre médecin, au 16e siècle, qui a introduit le mot virus dans le domaine médical, mais pour parler du pu chez les malades de la variole. Donc, évidemment, il n'employait pas le mot virus dans le sens actuel du terme. Oui. Évidemment. C'est charmant comme mot. Alors, si on se résume, Valérie, en conclusion, avec la découverte des bactéries, après ça, des virus, on sait mieux aujourd'hui comment se propagent les maladies contagieuses et donc les épidémies, bien qu'on en sait encore peu sur ce nouveau coronavirus. Exactement, oui. Mais même si ensuite il faut étudier chaque bactérie, chaque virus pour connaître leur mode de propagation spécifique. Et c'est ce qu'on voit avec le coronavirus. On en apprend tous les jours sur ce fameux virus. Donc aujourd'hui, oui, une épidémie, on comprend que c'est une maladie qui est contagieuse, transmise par des bactéries ou des virus. Mais ironiquement, même si on sait que les microbes sont responsables des maladies contagieuses, aujourd'hui, le mot épidémie ne concerne plus seulement les maladies infectieuses, les maladies contagieuses, parce qu'on parle aussi, alors peut-être par abus de langage, d'épidémie d'obésité. Oui, c'est vrai. D'épidémie de myopie. Il y a de plus en plus de jeunes qui sont myopes de bonheur dans un jeune âge. On parle d'épidémie de burn-out, donc de problèmes de santé, mais qui ne sont pas transmis par des microbes. Et puis, le mot sort même complètement du domaine médical pour parler de l'expansion de toutes sortes de phénomènes dans la population. Et on parle d'épidémie de punaises de lit. C'est moins joli. Oui, ça crée des problèmes sur la peau aussi. Oui, là. C'est vrai, exactement. Mais d'épidémie de fausses nouvelles, d'épidémie de crédulité, d'épidémie de violence. Ouais, ouais. Donc, comme quoi, les mots, c'est comme les microbes, ça évolue avec le temps. Ouais. Bon, en tout cas, c'est une chronique, Valérie, qui me donne envie de revoir mon latin. Donc, de voir mon latin que j'ai jamais vu. En fait, j'ai jamais eu de cours, mais on comprend bien en science que le latin est quand même bien important. Ouais, des fois, c'est intéressant de retrouver la racine des mots. Oui, tout à fait. Ouais. Je te remercie beaucoup, Valérie. Je te souhaite de passer une très belle fin de semaine. Profite bien. De même. Puis à mercredi. À mercredi. Bye-bye.